Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui les jumeaux Steven et Christopher. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Arrête. Parle toujours en tant que moi. Ah, c'est lourd. c'est ringard. c'est trop mignon, je te jure. Ah, et puis, vous devez avoir tout le temps des questions, genre si j'en frappe un, est-ce que c'est l'autre qui a mal ou un truc comme ça, quoi. Ouais, exactement. Ouais, tu vas pas nous les poser, genre, est-ce que vous parlez en télépathie Non, je ne poserai absolument pas ce genre de questions, parce que je sais très bien que c'est le genre de questions que vous avez tout le temps, et vous devez en avoir marre, quoi. Tu sais, quand on a commencé à faire un peu de télé, la première question d'un journaliste, ça a été « Alors, vous êtes rencontré comment ?» C'était une vraie question, ça. Ouais, c'est chaud déjà. Ah non, mais attends, elle était sérieuse. Ah, je pense qu'elle était sérieuse. Ouais. Il y avait aussi le vous connaissez depuis longtemps. Ah, un petit moment quand même. Un petit moment. Ah, mais c'est tellement bon. Après, c'est bien parce que ça nous permet d'écrire des sketchs. Ouais, on a fait des blagues avec ça. Mais totalement, il faut. Mais c'est, moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je trouve que les meilleures blagues, vraiment celles qui seront indétrônables, tu vois, c'est celles qui partent de la vérité et même qui sont la vérité tout court. Là, vous avez même pas besoin d'en rajouter, en fait. Mais ouais, tu dis juste cette anecdote, garde comme toi, on vient de te le dire. Bah, ça suffit, en fait. Il n'y a rien besoin de dire. C'est souvent les pires trucs qui font les meilleures anecdotes, donc les pires trucs font les meilleures vannes, en fait. Tu voulais dire les mauvais moments font les meilleures anecdotes. Exactement. C'est ça que tu voulais dire. Mesdames et messieurs, nous assistons à une dispute, grammaticale. Gémellaire. Une dispute gémellaire. Eh, c'est pas mal quand même. Hein. Ça peut être un truc qui peut faire booster le podcast et tout. Tu vois, je veux que tous les jumeaux du monde écoutent ça et qu'ils se disent, tu vois, il n'y a pas que nous qui nous embrouillons sur les façons de parler. Tu vois. On cherche le titre du nouveau spectacle qu'on est en train d'écrire. Une dispute gémellaire. C'est pas mal. Quelque chose. Ah, ça peut être pas mal. Je prendrai que 30% des bénéfices. Il n'y a pas de souci. Ça va, t'es large. Oui, physiquement aussi. Enfin bref. quand on est jumeaux aussi, c'est que les gens nous comparent toujours, tu sais. Et le truc qui vient souvent, c'est il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et en fait, c'est super gênant, en fait. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, t'imagines si on faisait ça avec des jumelles, par exemple, tu vois, parce que c'est encore plus violent, je pense, si on le fait avec des filles. Ouais. Genre, elle est plus grosse que sa sœur. C'est violent, je trouve, en fait. Nous, ça nous fait marrer. Mais en fait, au fond, je pense qu'il y a quand même un petit truc de dur à gérer. Et on dit ça au public, et après on se dit, et là, on a écrit ça aujourd'hui. On dit, est-ce que le public aussi se dit? En fait, on leur dit ça, on dit c'est horrible. Il y a des gens qui nous disent, il y en a un qui est plus gros que l'autre, c'est horrible, ouais. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que vous, en ce moment, vous dites, mais c'est vrai, il y en a un qui est plus gros que l'autre, en fait. Ouais, mais c'est le jugement de l'être humain. Tu sais, l'être humain, il peut pas s'empêcher de juger. Tu sais, moi, j'ai pas de frère jumeau, mais on me dit souvent que j'ai grossi. Tu vois, donc quelque part, je vous ressens totalement au niveau de cette difficulté, du regard des gens. Et c'est incroyable. Moi, je trouve déjà qu'une personne seule, une personne unique, non gémellaire, une personne non gémellaire. Tu vois, je trouve déjà que c'est vachement culotté et irrespectueux de lui dire t'as grossi. Ah ouais, mais alors, des jumeaux, est-ce qu'ils ont cru qu'ils étaient au jeu des 7 différences ou comment ça se passe? Ouais, c'est ça, peut-être. Mais nous, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on trimballe notre point de comparaison. Donc en fait, c'est toujours avec moi. Donc on peut toujours comparer mon frère avec moi parce qu'on nous voit à deux. Alors que toi, quand on dit t'as grossi, c'est des gens qui te connaissaient déjà avant. Sûrement. Oh, mais ça se dit pas. Ouais, c'est un jugement qu'on n'a pas demandé, en fait. T'as grossi, t'as maigri, on s'en fout, c'est ta vie. À part tes parents et ton meilleur ami, à la limite, tu vois. Ta compagne, mais personne d'autre, en vrai. Mais bon. Oui, mais absolument. Moi, tu sais, si tu veux, je suis en surpoids, j'ai passé la plupart de mon temps en surpoids, tu vois. Et je veux dire, quand ma mère me le dit ou quand mon père me le dit, je sais qu'il me le dit pas en mode ah bah tiens, t'as grossi, mais plus en mode fais attention à toi et tout. Et je le prends absolument pas mal. Et le pire, c'est que ce sont ces gens-là qui sont pourtant légitimes parce qu'ils veulent ton bien. Et eux, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, s'il te plaît, ne le prends pas mal et tout, machin. Vraiment, je le dis pas pour faire du mal. Ils vont plus gêner les autres. Ils vont prendre des pincettes que d'autres ne vont pas prendre, c'est sûr. Voilà. Alors que l'autre qui te voit, il t'a vu, toi, il le sait pas, mais tu n'as pas mangé depuis la veille. Il te voit manger un croissant. Il va te dire, oula, t'es sûr que c'est bon pour toi, ça? Mais ferme ta gueule. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, tu vois, je l'ai écrit ça, j'ai préparé une vanne là-dessus parce que vraiment j'en ai marre d'entendre ce genre de truc. Et j'ai envie de leur dire, tu sais, c'est pas forcément bon pour moi, mais par contre, si tu continues à parler de mon poids, c'est sûr que c'est très mauvais pour toi. Là, par contre, enfin bref, en tout cas, on est soumis au regard des gens, mais c'est incroyable. Tu as le droit d'avoir un jugement dans ta tête, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ferme-la. Tu n'es pas obligé de le dire, quoi, tout simplement. On vient de passer de galère d'humoriste à galère de gros, là, d'un coup. Et Dieu sait que c'est souvent mon cas d'être dans galère de gros, c'est sûr. En tout cas, maintenant que tout ça est dit, moi je pense qu'on peut passer dans la bienveillance et tout. Alors exactement. Maintenant, vous pouvez me dire lequel de vous deux est le plus gros. Non, moi, je plaisante. C'est Christopher, je plaisante. C'est bon, et j'aurais vraiment l'élégance de ne pas dire que c'est Steven. Voilà. En fait, ça dépend du moment. Mais là, Christopher a quand même un gros avantage. C'est qu'il sort de 15 jours d'hospitalisation. Enfin, juste en décembre, là, il est parti 15 jours, même plus, un peu plus que 15 jours à l'hôpital. Et du coup, il a perdu 10 kilos, mais c'est facile aussi. Quand mon pote, péritonite, il n'y a que ça de vrai. Tu te fais opérer, appendicite, péritonite, tout ça, voilà, et complications, bah, tu perds 10 kilos. Et moi, derrière, bah, je ne supporte pas la comparaison. Ouais. Ouais, mon pote. J'avoue qu'il y a eu tricherie. J'avoue qu'il y a eu tricherie quand même. Il y a eu triche. Si je peux voir. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que, tu sais quoi, je risque de mettre fin à votre collaboration avec ces histoires de poids et tout. On va pas rester là-dessus parce que, tu sais, après, mon podcast va percer, mais uniquement parce que j'aurai créé la fin du duo Steven et Christopher, tu vois. Je pense que c'est pas la pire question. La pire question qu'on nous pose, c'est mais est-ce que vous avez envisagé de faire une carrière l'un sans l'autre? C'est solo. Parce que bon, à deux, c'est bien, mais allez-y tout seul, les gars. Et en fait, ils imaginent pas, enfin, ils comprennent pas que ce qui fait notre force, c'est d'être à deux, en fait. C'est pas bien sûr, c'est le ping-pong, entre vous. Quand tu as un duo qui marche bien, quand l'un fonctionne sans l'autre, c'est dur, mais c'est faisable. Mais vous, on vous a connu justement parce que vous aviez ce ping-pong et puis ce côté jumeau qui est plutôt rare, tu vois. On en connaît peu des duos de jumeaux comme ça. C'est quand même, voilà quoi. Je crois qu'il y en a, moi à ma connaissance, il n'y en a que trois. Je sais qu'il y a vous. Il y en a un qui était vers Toulouse, je crois, et il y a mes amis, les jumelles, que vous connaissez sûrement. Anne et Sophie, voilà, Anne et Sophie Cordin. Et donc, je veux dire, c'est quand même bizarre. Je ne connais pas les jumeaux de. C'est qui les jumeaux de Toulouse? Deux jumeaux, je crois que c'est. J'ai joué avec eux à Toulouse, et je crois qu'ils sont des environs, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Parce que nous, on connaît des jumeaux chanteurs du côté du sud-ouest, c'était les jumeaux Noël, mais c'est des chanteurs, hein, c'est pas des humoristes, et les jumelles Corbin, effectivement, du côté de Bordeaux. Ouais. En France, c'est tout ce qu'on connaît. Et là, on vient juste de découvrir qu'il y avait des jumeaux américains qui font du stand-up. Ouais, les Lucas Brothers. Les Lucas Brothers, ouais. Et on a découvert, je te jure, il y a une semaine. Et j'étais content de me dire, enfin, On n'est pas seul. C'est ça. Non, mais les deux jumeaux dont je vous parle, moi, je sais que j'avais joué avec eux dans un concours organisé par les Chevaliers du Fiel. Je crois que c'était dans le cadre du Printemps du Rire. Et on avait joué avec eux. Alors vraiment, je suis désolé, je leur présente mes excuses. Je ne me souviens plus de leur prénom. C'était nous, en fait. Hein. C'était nous, Sophia. Ah, mais d'accord. Mais oui, Steven et Christopher. Mais je me disais bien que votre voix me disait quelque chose. Et bien sûr, parce que quand on est à Toulouse, on fait l'accent de Toulouse. Mais ouais. Et puis le boutu. Mais là, on est dans le Nord, donc on fait attention au Nord. Non, mais ils étaient très très bons. Je me souviens vraiment plus. Je crois que je sais qu'ils étaient portugais, ça c'est sûr. Français originaire du Portugal, j'en suis sûr. D'accord. Parce qu'ils en parlaient. Mais je me souviens plus. Enfin bref, en tout cas, ils étaient super gentils. Je les salue. J'en profite pour les saluer et bien sûr, ils seront les bienvenus dans le podcast également. Salut tout le monde. Ici le monteur de l'épisode. Bon, vous l'aurez compris, c'est Sofiane. Hein. Et j'interviens pour la première fois dans le podcast en plein milieu pour faire un mea culpa. Voilà, au niveau de mes amis humoristes jumeaux des alentours de Toulouse. En fait, ce sont mes amis Marco et Bruno. J'ai retrouvé leur nom par la suite et également, j'en profite pour faire un mea culpa, j'avais oublié qu'il y avait un duo, ce sont des amis également de Bordeaux qui ont donc un duo gémellaire, ce sont mes amis Paul et Quentin. Voilà, donc j'en profite pour saluer tous les duos de jumeaux. Je sais pas pourquoi je précise duo en fait. J'en profite pour embrasser tous les quatuors de jumeaux. Et donc voilà, donc on a Steven et Christopher, Anne et Sophie Cordin, Paul et Quentin et Marco et Bruno. Ce sont ceux à ma connaissance. Si jamais il y a d'autres duos d'humoristes jumeaux, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, tout le monde est le bienvenu dans le podcast. La famille de l'humour est une grande famille dans laquelle on aime partager nos anecdotes et écouter celles des autres. Bis à tous et bonne suite de l'épisode. Et donc, pour en revenir justement au podcast, au cours de votre longue carrière parsemée de questions cheloues de journalistes, je pense que vous avez eu quelques galères et vous en aviez à nous raconter. Oui, bah la galère la plus récente, c'est 2020. Voilà. C'est l'année 2020. Voilà. Oui. C'est l'année de ta galère, ouais. Mais remarque, 2021 se tient pas mal. Ça se défend pas mal pour l'instant. Non, vas-y, Steven. Alors, je vais laisser la parole à Steven parce que c'est Steven qui est sorti en premier. Il va te raconter une galère. Quand tu m'as contacté, moi, la galère dont je me suis rappelé tout de suite, c'était en 2016, à peu près dans ces eaux-là. En fait, c'est la première fois qu'on fait un direct sur Rire et Chanson. Rire et Chanson, tous les mois, ils organisent un plateau qui est enregistré qui s'appelle les Open du Rire. Non, c'est en direct, tu viens de dire, c'est en direct, tu dis que c'est enregistré. Ah, mais c'est enregistré en temps live. Oui, non, je vois. Oui. En fait, je l'ai fait aussi en 2016 aussi, d'ailleurs. Ouais, et c'est enregistré, c'est-à-dire c'est en direct. Ouais, mais c'est après... là que t'as rencontré, mec, tu te souviens plus de nous. non, c'était pas ça. Non, j'étais avec Old Olaf, Jason Brokers, c'était super, hein, franchement. Ouais. Il y avait Jason Brokers, il y avait, comment il s'appelle, Antoine Chomsky, il y avait qui d'autre encore? Au plateau, bon niveau. Oui, très très bon niveau, c'est sûr. Et il y avait aussi Christophe Guibé, donc vraiment, il y avait un très très beau plateau, on avait passé un super moment. Et non, je disais, en fait, pour expliquer aux auditeurs, c'est-à-dire les Open du Rire, c'est en direct, ça passe en direct sur Rire et Chanson, le passage est enregistré en même temps, et ensuite ils le remontent. Ils le remontent. Ils le diffusent sur Rire et Chanson, par petits, ils isolent les sketchs en fait, les passages. Et après, ils sont diffusés dans le flux de la chanson. Mais la soirée, elle est en direct, c'est important pour l'anecdote. Ah oui. Parce que forcément, on est en direct. Donc, c'est enregistré en direct. Tu peux l'écouter en direct à la radio. Et nous, donc, c'était au grand point virgule. Mmh. Au grand point virgule. Et en fait, on commence notre passage. Donc, tu as à peu près 15 minutes, hein, 15-20 minutes, je pense. Voilà. Donc, on commence à faire notre sketch. Et à un moment, pendant qu'on fait le sketch, on voit le public un petit peu dissipé. Tu vois, ça commence à parler un peu dans la foule, mais voilà quoi. On se dit, ils s'en foutent. On se dit, on était en plein milieu du sketch. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. les gens commencent à discuter entre eux et tout. Et nous, on est en direct sur les chansons. On ne peut pas s'arrêter en spectacle. Tu t'arrêtes, tu demandes ce qui se passe. Mais là, on est en direct. Les deux premiers rangs, ils ne nous regardent plus. En fait, ils ont la tête tournée vers derrière, tu vois, vers derrière, le troisième rang à peu près. Et nous, tu sais, quand tu es sur scène, tu as les lumières dans la gueule, donc tu ne vois pas vraiment la salle. Mais là, tu voyais à peu près qu'il y avait une petite émulation dans les 3-4 premiers rangs. Et du coup, au fur et à mesure, on a compris, parce que du coup, en fait, nous, bah, on n'était plus du tout dans notre sketch, on regardait que ça, sachant qu'on était en direct sur les chansons, donc on faisait semblant d'être dans le truc. En plus, on faisait les personnages de Mamie, je crois, à ce moment-là. Et donc, on regarde derrière, et en fait, on entend parler, elle va pas bien, la dame. Et là, c'est là qu'on a vu des gens arriver, donc des pompiers. Hein, ouais, mais... les pompiers qui arrivent comme ça, et puis en fait, il y avait une femme dans le puits qui était en train de nous faire un petit malaise. Enfin, un bon malaise parce qu'elle était par terre, les pompiers qui arrivent. Ils l'ont allongé quand même au milieu de la rangée de fauteuils. Voilà, des chocages et tout. Et il y a un mec qui nous regarde et fait: non, mais elle a un malaise, hein, continuez. Continuez à nous faire rire, mais la dame, elle a un malaise. Hein. Il y a une dame qui est en train de mourir, faites-nous rire. Et nous, on est en direct à ce moment-là. Donc, et en fait, là, il y a tellement une ambiance chelou dans la salle qu'on est obligé de s'arrêter. Et là, c'est là que l'animateur de Rire et Chanson, qui est à l'époque, Guillaume, je pense. Il vient sur scène et professionnel, il fait: bon, on va s'arrêter les jours parce qu'en fait, on va vous expliquer, parce qu'on est en direct. Hein. Pour les auditeurs, il y a une dame qui vient de faire un petit malaise. Les pompiers sont arrivés, alors qu'il y avait une grosse panique dans la salle, tu sentais que c'était sérieux quand même. Et nous, on est sur scène, mais en mode troubadour, donc on doit faire rire les gens et tout, sauf que là, les gens s'en foutent complètement de ce que tu es en train de dire à ce moment-là, parce que il y a les pompiers et tout. Et donc, vous jouez où en ce moment et tout? Bah, du coup, on a eu une promo d'à peu près 10 minutes, parce qu'en fait, le temps que la dame soit déjà, les pompiers s'en occupent dans la salle. Les pompiers étaient dans la salle devant nous en train de s'en occuper, lui faire pas un massage cardiaque, mais ils essaient de la coucher sur le côté parce qu'on sait pas ce qu'elle a, si c'est une crise d'épilepsie, si elle a fait un malaise vagal. Ouais. Mais bon, c'était pas très grave finalement, mais nous on savait pas à ce moment-là. Donc elle est en train d'être animée devant nous. Et nous, on fait notre promo. Donc on dit: bah, on jouera tous les mardis et mercredis au théâtre du gymnase, on fait notre promo et tout. Parce qu'on sait que les gens, parce que Guillaume, il nous fait, déjà au début, nous regarder dans les coulisses, il était à côté, puis il nous faisait un signe de la main comme si on devait continuer. T'sais. Mais on lui dit: mais non, on ne peut pas continuer, Guillaume, ils sont en train de faire un malaise, enfin un massage cardiaque, là, les pompiers. Et du coup, on a eu une promo de 10 minutes sur les chansons en direct. Mmh. Ouais, c'était plutôt sympa. Et le truc, c'est qu'une fois que c'est fini, il fait: bon, allez, on reprend les jumeaux. Allez, maintenant, faites la tête dans l'applaudissement pour les jumeaux. Et nous, on est en mode, ouais. D'accord, donc ça a repris après la promo encore. Ouais, parce qu'on est en direct, on est toujours en direct sur les chansons, il faut que l'émission se continue, il n'y a pas de pub, hein, vraiment, c'est 2 heures de direct. Donc on reprend. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, on s'est dit, ça va être compliqué de reprendre quand même après ça et tout, en plein milieu d'un sketch. En plus, nous, on fait pas trop de stand-up, on était sur un sketch en plus, donc faut se remettre dans le truc et tout. Et en fait, les gens ont vite été avec nous, c'est-à-dire qu'on a senti que les gens étaient en mode, allez, on est avec vous, il y a une solidarité qui se passe à ce moment-là, tu vois, on est avec vous, c'est pas grave. Et en fait, quand t'écoutes, parce que le passage est passé sur les chansons, mais coupé, comme on disait tout à l'heure, ils l'ont sorti. Et en fait, il y a une coupure en plein milieu que t'entends même pas, même nous, alors qu'on sait très bien qu'il y a une coupure à ce moment-là, donc c'est bien fait, quoi. Et on n'entend pas, donc c'était notre premier direct sur les chansons, donc on en a refait depuis, il n'y a pas eu de malaise, donc, mais c'est un peu spécial, ouais. D'accord, bah oui, j'imagine que vous avez interdit l'entrée à cette pauvre dame. Bah ouais, bah, on a pris... Elle est morte. Oh, c'est glauque. On a pris ses nouvelles, elle a fait un malaise vagal, et en fait, on s'est dit, si elle était morte, on aurait une anecdote de ouf. Tu vois, l'anecdote est marrante, mais elle n'est pas ouf. J'avoue qu'elle n'a pas vraiment fait d'effort quand même. Ouais, faire l'effort, mais bon, avec du recul, on est content. Nous, on lui dit, nous, on a dans 5 ans, on a un podcast Galère d'humoriste, ça aurait été cool que tu meurs quand même. Ça aurait été cool que tu meurs. Mais oui, t'aurais pu marquer en titre, ils ont tué une femme sur scène, tu vois, un titre à la Etsy Paris, tu vois, ça aurait été cool. Mais non, c'était pas son heure. Heureusement, mais on est content que ça soit quand même bien passé. Et ouais, c'est sûr, on salue le professionnalisme de Guillaume Pau. Ouais. Très très gentil, je me rappelle, j'ai un très très bon souvenir de me rencontrer avec lui. Ah ouais, très sympa. Il a dû meubler le temps que ça se calme et tout, parce que en fait, ouais, comme tu le disais, je crois que c'est Steven qui le disait tout à l'heure, t'es obligé de faire durer la promo et tout, parce que clairement la soirée doit continuer, mais tu peux pas faire monter quelqu'un sur scène alors que en plein milieu t'as les pompiers et tout machin. Donc je comprends, il a été obligé de faire traîner en longueur. J'imagine qu'il a dû poser plein de questions et tout. Et racontez-nous votre parcours, tout ça, sur les 10 minutes de promo. À partir de quelle minute il vous a demandé lequel des deux était le plus gros? En arrivant sur scène, en montant, il fait, mais t'as grossi, non? Pour lancer le truc, vous êtes... Là, c'est lui. Et si dans pas longtemps vous allez faire comme cette dame, hein, malaise, hein, c'est sûr. Il y a bien un caillou qui va se foutre dans votre grosse veine, là, peine de grand. Ah ouais, il nous a tué. Hein. Là, mais ce qui est vrai, c'est que comme c'est de la radio, tu peux pas faire... parce que ça se passe en spectacle, à la limite, c'est pas filmé et tout, ça fait un moment, tu vas dans le public, tu parles avec les gens et tout, tu crées un instant. Mais à la radio, les gens qui sont dans devant leur transistor, t'as parlé comme un mec de 90 ans. Ah ouais, grave. Même quand j'ai dit, j'y ai pensé. Ouais, j'ai vu. J'ai dit, t'as trois cheveux blancs qui ont poussé au même moment que j'ai dit. Mais je suis vieux parce que j'ai 90 ans, tu le sais pas, c'est pour ça que je suis plus gros. Bon, et en fait. Non, et en fait, le mec devant sa radio, dans son autoradio, il s'en fout qu'on est en train de parler avec le public, lui, dans une émission, donc c'est pour ça qu'on a fait une interview de 10 minutes. Même autoradio, c'est vieux. Bah, autoradio, ça mais va. Mais non, c'est podcast, c'est Bluetooth aujourd'hui. Autoradio, mais Steven, dans ta voiture, t'écoutes à l'autoradio, mec. Dans ton automobile. Dans ma vieille voiture. Dans ta Peugeot 204. Dans ma 104. Après avoir mis un petit tour de manivelle pour démarrer le moteur. Grave. Mais en tout cas, je compatis vraiment parce que ça n'a vraiment pas dû être facile. Je comprends ce que tu veux dire au niveau... Tu es à la radio, donc tu ne dois pas perdre la face. Tu es obligé de continuer, tu es obligé de meubler. Et derrière, ça me fait plaisir. Tu vois, j'avais peur quand tu m'as dit que vous aviez repris. J'ai eu peur que tu me dises, la salle, on n'a jamais réussi à la reprendre, tu vois. Parce que les gens peuvent être un petit peu, tu vois, refroidis par ce qui vient de se passer et tout. Alors que là, non. Et je pense que c'est l'empathie, parce que le public a une certaine empathie. Si c'était, par exemple, quelqu'un sur scène qu'ils n'ont pas aimé ou ils n'ont pas aimé sa réaction, par exemple, je ne sais pas si vous aviez dit « Ah, bah les pompiers, ouais, bah occupez-vous d'elle, nous, on continue notre sketch. » Là, je pense que les gens, vous ne les auriez jamais eus. Alors que là, ils ont vu que vous aviez de l'empathie pour elle et ils ont eu de l'empathie pour vous et ça a pu bien se terminer, quoi. Bien sûr, tu as raison. Il y a une espèce de bienveillance dans la salle qui fait aussi qu'à un moment donné, on est plus sur un spectacle d'humour. Il faut juste s'inquiéter de savoir comment la dame va. On demande vite fait avec la tête, les pompiers nous font un signe du pouce en disant ça va aller, on va l'évacuer, c'est un petit malaise vagal, tout va bien. Et puis après, the show must go on. Mais tu as raison dans le sens où c'est vrai que c'est dur de réagir quand tu as un truc comme ça en tant qu'humoriste parce que tu as toujours envie d'être drôle. Mais il y a aussi le côté être drôle et être humain, quoi, ne faire la vanne pour la vanne alors que tu sais pas ce qui se passe. Peut-être que potentiellement elle est en train de mourir, on sait pas ce qui se passe. Donc faut faire attention. En fait, faut surtout faut être sur le fil toujours. Mais c'est un peu notre métier, hein, d'équilibriste, de toujours être un peu impertinent, sans être dans la facilité, sans être. Mais voilà, une fois que tu as l'empathie du public et nous on est très naturel sur scène, on est très sincère aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a réussi à reprendre très vite la salle et voir plus parce que comme tu dis, ils ont été avec nous tout de suite en mode allez, faites nourrir, on fait notre dîner. Minutes, ça se passe très bien et ça reste un bon souvenir au final. C'est bien que ça soit terminé comme ça. Et je rejoins ce que tu dis aussi par rapport au fait de ne pas vouloir faire de la vanne quand après il y a une situation qui est quand même incertaine, on ne sait pas comment ça va se passer et tout. Et ça me rappelle une petite anecdote que j'avais racontée dans le podcast avec Verino, c'est que j'ai raconté que j'étais au spectacle d'Ahmed Silla, j'avais fait sa première partie à Damary Lélis, il y avait 1600 personnes dans la salle et il y a une dame qui a fait un malaise, alors je ne sais pas si c'était un malaise vagal ou je sais pas, mais en tout cas voilà, c'était à 5 minutes de la fin vraiment hein. Et il a été vraiment très très pro et vous avez eu la même réaction, vous avez été très pro également, parce que lui ce qu'il a fait, il a arrêté le spectacle, donc il y avait des, tu sais, des secouristes et tout, comme il y avait 1600 personnes dans la salle, il y avait des secouristes voilà, ils sont... ouais, voilà, il y a toujours du personnel comme ça pour aider au cas où. Ils sont partis voir la dame, ils ont vu qu'elle était vraiment pas bien et tout, et ils ont dit on va l'emmener à l'hôpital, voilà, donc ils ont ramené un brancard, ils l'ont amené à l'hôpital et tout, et là Ahmed Silla, je veux dire, il aurait pu reprendre une fois qu'ils sont sortis, mais il a été très pro et très humain, comme l'un de vous deux le disait à juste titre tout à l'heure. C'est que, en fait, il a dit, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, là, tout de suite, la dame, on ne sait pas trop comment elle va, on ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Là, il ne reste que 5 minutes de spectacle. Je vous propose vraiment, voilà, on arrête là. Il dit, si vous voulez, on arrête. Ah, pardon, t'as dit quoi ? Oui, comme c'était la fin, c'est mieux de le faire comme ça et de discuter avec les gens, quoi. De dire, au lieu de faire une fin de spectacle alors que personne n'est dedans, d'en parler, quoi. C'est ça, c'est ça. Il a dit, ce que je vous propose, il dit, vous inquiétez pas, on va se retrouver dehors dans tous les cas, on tapera des photos, des snaps, je vous signerai des autographes et tout. Il dit, mais si ça vous dérange pas, je propose qu'on arrête là. Il dit, si vous tenez à voir la fin, je vous la fais, mais honnêtement, tout le spectacle, c'est-à-dire tout ce qui avait à voir, vraiment les gros effets et tout, vous les avez vus. Donc ça y est, là, c'est juste la fin, on finit gentiment. Il dit, c'est comme vous voulez. Et après, les gens, ils ont dit, ouais, ok, pas de problème, arrête et tout. Et du coup, il a dit, ok, alors vous me laissez 15 minutes pour prendre ma douche et puis je reviens. Et après, il a pris sa douche. 15 minutes après, il était dehors avec les gens et il a tapé 2 heures, 1 heure et demie ou 2 heures de dédicace et tout, avec le sourire, tu vois. Donc vraiment, c'est le côté humain. C'est, après, si c'était arrivé à 10 minutes du début, là, peut-être qu'il aurait dit, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on continue. On va peut-être prendre une pause. Voilà, un petit entracte. Et puis, on reprend tout à l'heure. Là, il restait que 5 minutes. J'avoue que ça aurait été malvenu de continuer, quoi. Oui, en plus, si je me souviens bien, la fin de son spectacle, Ahmed, il parlait de son grand-père. C'est pas dans ce spectacle qu'il parlait de son grand-père qui était pendant la guerre, qui était en première ligne. C'est ça, il me semble. C'était celui d'avant. C'est ça, un moment hyper beau et en même temps, pas forcément drôle parce qu'il cherchait plus à ce moment-là de rire, mais hyper beau, c'est un hommage. Et c'est compliqué si c'était encore ça de finir là-dessus parce que c'est très personnel. Non, mais de toute façon, Ahmed, non seulement il est pro, oui, c'est clair. Et en plus, c'est un mec qui est très, on le connaît bien, Ahmed, c'est un mec qui est très humain, qui est très bienveillant. Donc ça m'étonne pas de lui. Ouais. Ah, mais c'est ça, il faut avoir une bienveillance et puis une empathie pour le public parce que ce sont des gens qui sont venus te voir, ce ne sont pas des tickets, tu vois. Le public, voilà. C'est toujours ce qu'on dit, on dit toujours le public, mais en fait, dans le public, c'est plein de gens différents, plein de personnes en fait. Au début, quand on commence une carrière, on a toujours tendance à oublier un peu ça. On dit on joue pour le public. Et comme tu vois pas grand chose, quand tu es sur scène, tu vois des lumières, tu vois les deux premiers rangs au pire. C'est, pour toi, le public, c'est une masse. Alors qu'en fait, le public, c'est Martine, Roger, Sofiane. Tu vois, c'est vraiment des prénoms, c'est des gens qui ont une histoire. Et ça, c'est important de jamais l'oublier quand tu es humoriste, à mon avis. Bien sûr, bien sûr. Moi, d'ailleurs, ça me fait marrer. Il y a beaucoup d'humoristes qui font ça. Et, et j'aime bien ce truc-là. C'est que quand les gens sont vraiment pas nombreux dans la salle, tu sais, genre quand t'as que 5 ou 10 personnes, les mecs ils font, bah tu sais quoi, on est tellement peu qu'on va, parler juste comme ça, genre avant de commencer le spectacle, allez, c'est quoi ton prénom, tu vois, ils font tout le tour de la salle. Et obligé, ça. Je trouve que c'est beau, tu vois. Alors, je crois que Gad ne le fait plus dans les Zéniths, ça, c'est terminé. Un peu long. Il a piqué à quelqu'un aussi, ça. Ouais, voilà, et on fera pas la première partie de Gad. Voilà, bravo. Non, voilà. Mais, tu vois, quand tu joues dans des grandes salles et tout, ce côté-là, public, personne par personne, tu le perds. Ouais, c'est les inconvénients des grandes salles. Nous, ça nous rappelle une anecdote, ce dont tu parles, le fait d'aller parler avec les gens au début, s'il y a peu de monde dans une salle. On a joué au Bacchus à Rennes. Je sais pas si tu connais, mais l'ancien Bacchus, c'était une petite salle à Rennes de 50 places. Et en fait, un jour, on arrive au Bacchus. Un mardi soir, et puis en gros, le mari, la proprio, elle dit il y a une annulation, donc en fait, il y a un groupe qui devait venir, et c'était une vingtaine, ils ne viennent pas. Du coup, vous avez dans le public, vous avez 8 personnes. Non, le pire, on ne le sait pas. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais on apprend qu'ils sont 8 quand on arrive sur scène. En fait. C'est ça, ouais, on dit mais on ne le sait pas. Il fait il n'y a pas grand monde, mais je ne vous le dis pas. On est arrivé sur scène, 8, on sait les compter, ils sont devant nous. Donc en fait, on a fait exactement ce que tu as dit. On a dit, on va pas commencer à faire comme d'habitude, faire semblant de rien, parce que au début, on a un début, on fait de l'interaction avec le public. Mais là, devant 8 personnes, on a dit, bon, on va se présenter. Donc, on leur a serré la main un par un, parce qu'on avait le droit à l'époque. Et puis, on a dit, en fait, finalement, il y a le régisseur, vous êtes 8, on est 2, on est 11, on est une équipe de foot. Bon, on y va, on les a dans les vestiaires, et puis on se fait un petit spectacle. Et en fait, ça s'est super bien passé, parce qu'en fait, en vrai, le fait d'avoir été par là chacun d'entre eux, on a créé vraiment plus que d'habitude un vrai lien entre nous tous. Et en plus, c'était marrant parce que tout le monde se connaissait. Du coup, on s'est fait présenter. Il y avait une femme qui était enceinte. Du coup, on en a parlé. On était 11 et demi, on avait dit. Ouais, il y avait un couple. Il y avait un petit couple de vieux, un couple de trentenaires. Il y avait 5 jeunes et un mec seul. Enfin, on se rappelle quasiment de tous un par un physiquement. Et on s'est même dit que c'est la première fois qu'après un spectacle, 100% du public nous attend pour faire des photos. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous attendu. On les 8 se retrouvaient, quoi. On s'est retrouvés, on a bu un verre à 11, enfin, 11 avec le régisseur. Mais du coup, les gens, ils se rappelleront de ce moment toute leur vie, et nous aussi d'ailleurs. Donc ça fait C'est des moments, c'est difficile au début quand je pense qu'ils se souviennent plus de ce spectacle que de Gad Elmaleh où ils étaient 6000. Parce qu'en fait, c'est un souvenir d'être 8 dans une salle. C'est un moment en fait. Un moment. Oui, même voilà, si... Vous avez vraiment partagé un vrai spectacle vivant et tout. Et là, ils ont senti qu'ils ont fait partie du spectacle. Donc, c'est encore plus beau. Et moi, je pense que si vous ne vous souvenez pas du prénom, ne serait-ce que de l'un d'entre eux, ça veut dire que vous êtes des mauvais humoristes. Alors, je vous écoute. Alors, il y avait Sandrine. je déconne. Sandrine. De toute façon, on peut inventer les prénoms, tu n'iras pas vérifier. Tu n'iras pas vérifier. Tu prends une enquête, hein, sinon elle est compliquée. Alors, moi, je n'irai pas vérifier, mais par contre, eux vont peut-être écouter le podcast. Bon, on dira, c'est l'équipe de foot. On est dit, on est équipe des 11. Je ne me rappelle pas l'équipe des prénoms. Je plaisante, bien évidemment. Moi-même, il y a plein de trucs comme ça que je peux oublier. Mais c'est vrai qu'on n'oublie pas, on oublie les prénoms, parce que c'est normal, on en reçoit 20 millions dans la journée. Mais on n'oubliera pas le moment qu'on a vécu. Et c'est vrai que là, vous avez eu un vrai moment de partage. Je pense que votre spectacle, en fait, ils ne l'oublieront pas. Et vraiment, vos blagues, au lieu d'avoir l'effet classique, tu vois, genre on rigole et voilà, là, chaque blague, je pense, a frappé juste et ça leur a fait briller les yeux, quoi. Exactement. Et surtout, tu te rends compte que dans ce genre de salle où il y a peu de monde, ce n'est pas les mêmes blagues qui fonctionnent, en fait. Il y a vraiment il y a des blagues qui fonctionneront mieux sur une salle pleine, voilà, comme on va dire le plus habituellement possible. Quand tu réussis dans ta carrière, c'est cool, hein, parce qu'on se dit, ouais, c'est des beaux moments. Mais c'est rare. Mais oui, parce que honnêtement, c'est des beaux moments. Mais vaut mieux que quand dans ta carrière, t'en aies le moins possible, quoi, parce que bon. Bah sinon, c'est moins rare. Particulier, voilà. Particulier. Ouais. Donc, mais ouais, tu te rends compte que tu dois. Même nous, on joue différemment, par contre. C'est-à-dire qu'on joue moins en force. Tu joues vraiment comme si tu étais dans ton salon avec des potes. Il y a vraiment un jeu que tu dois faire différemment. Une intimité qui se fait différemment. On dit toujours, on doit créer l'intimité quand on a une petite salle. À Paris aussi, de temps en temps, on a joué pendant quasiment 6 mois, 3 fois par semaine à Paris. Et on jouait jeudi, vendredi, samedi. Et les jeudis soirs, souvent, on avait un peu moins de monde. On était une trentaine sur une salle de 110 places. Ouais. Et c'était déjà bien. Franchement, à Paris, pour avoir 30 places, c'était déjà cool. Mais tous les jeudis soirs, on savait qu'en arrivant, que ça allait être plus compliqué que d'habitude. Et on se disait toujours avec Steven, il faut qu'on crée une intimité. Il faut qu'on crée une ambiance. Très vite, on doit 5 minutes pour créer ça. Une fois que l'intimité est créée, après ton spectacle se fait pareil que d'habitude, même si on est 30 dans la salle en fait. Mais il faut vraiment toujours créer ce moment. Ça, c'est un truc d'humoriste à mon avis aussi. Absolument, il faut créer une connivence avec le public et qu'il s'identifie un petit peu dans ce spectacle, qu'il se sente pas devant un DVD comme on dit. Et oui, il faut créer un moment qui sera unique pour eux, pour nous. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait en général. Ça, et on a des bons souvenirs de petites jauges en général. Ben c'est vrai. On est toujours un peu déçu avant parce que quand on t'annonce qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle, voilà, ça fait toujours un peu chier. Et c'est souvent après, une fois qu'on sort de scène. Ouais, c'était bien. Hein. Ouais, c'était bien quand même. Tu vois, en plus, t'as moins d'attente. Donc tu ne peux que être agréablement surpris par la soirée en fait. Donc, et puis eux, ils sont nus. C'est toujours ce qu'on se dit. Ouais. Même s'ils sont 20, au moins eux, ils ont fait le déplacement et sont venus nous voir. Donc tu dois encore leur donner plus presque. Moi c'est un truc important ça, parce que quand j'ai commencé le spectacle, j'ai très vite appris qu'il fallait jamais refuser un show, tu vois. Il faut jamais te dire ils sont que 5, je joue pas, tu vois. Moi je l'ai vu au début, je l'ai vu avec Samia Orozman, si vous connaissez. Bien sûr. Voilà, Samia qui est vraiment super, une super humoriste et quelqu'un de très gentil. Elle m'a permis de faire sa première partie, donc c'était vraiment mes débuts. Et grâce à elle, du coup, le lieu qui accueillait son spectacle pour la première partie, c'est devenu mon théâtre finalement. Grâce à elle, en fait, j'ai réussi à trouver un lieu pour travailler mon spectacle et tout. Moi, je commençais dans l'humour et j'ai vu un truc, c'est que le premier soir, elle avait 2 personnes. Et le lendemain, elle avait la salle pleine. Et ça m'a donné 2 leçons. Parce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, il n'y a que 2 réservations. Est-ce que tu vas jouer ou pas? Elle m'a dit, je n'annule jamais un spectacle, quel que soit le nombre de personnes dans la salle. Parce que ces personnes-là se sont déplacées pour venir me voir. Tu vois? J'ai trouvé ça beau. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je l'ai vu donc jouer. Je l'ai vu 2 soirs de suite. Je l'ai vu une première fois jouer devant 2 personnes. Et je l'ai vu le lendemain jouer devant une salle pleine. Et bien franchement, les 2 soirs, c'était identique. Son jeu était pareil. Elle mettait la même énergie. Et ça, c'était la première leçon que j'ai eue dans l'humour. C'est, tu vois, les 2 premières leçons. Premièrement, quel que soit le nombre de personnes, on joue. Et deuxièmement, il faut jouer pareil que tu aies la salle pleine ou que tu aies la salle presque vide parce que les gens sont venus. Il faut que tu délivres la même énergie, la même performance. J'ai déjà assisté à des spectacles où j'ai entendu « Ah, ils sont que 9, ah ben, je ne joue pas ». Et ça m'a déçu, moi. Moi, j'étais là genre dans le public ou quoi, et j'étais un peu déçu parce que je me disais, même si tu n'as que 2 personnes, ces 2 personnes-là, si ça se trouve, elles ont posé leur voiture, elles ont payé le parc-mètre, elles vont peut-être prendre une amende parce qu'elles sont mal garées, j'en sais rien. Elles ont peut-être payé une babysitter, elles ont peut-être réservé leur soirée, tu vois, plein de choses. Et ces gens-là, ils méritent. C'est comme si tu leur disais, en gros, je joue pas, vous n'êtes pas digne de recevoir mon humour, mais non. Ouais, eux, ils sont venus. Surtout que ces personnes-là sont là, en fait. Tu peux pas leur en vouloir, tu peux en vouloir aux gens qui sont pas venus, mais tu peux jamais en vouloir aux gens qui sont venus voir ton spectacle. Donc ça, c'est, ouais, c'est même si c'est pas facile. Hein. Nous, on a la règle d'or. Bon, le moins qu'on ait fait, c'était, bah, c'était à Rennes, hein, 8. C'était 8, le moins qu'on ait fait. Mais la règle d'or qu'on s'est toujours dit, c'est faut qu'on jouera à partir du moment où on est autant sur scène que dans la salle. Donc, c'est deux. Au moins deux et deux. À moins de deux, on joue pas. Après, c'est, en fait, je pense que ça dépend où tu joues, quand tu joues. Il y a plein de facteurs qui font. Moi, je pense que tu joues pas exactement de la même manière devant deux que devant une salle complète. Mais tu joues avec la même générosité, mais pas avec la même intensité, parce que c'est quand même compliqué. Il faut quand même jauger un peu ton jeu. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est en fait, si vraiment un jour on le dit, bah, là, il y a 10 personnes, vous voulez faire quoi? Bah, nous, on ira les voir. On ira voir ces 10 personnes. On leur demandera s'ils veulent. Voir un spectacle à 10 dans une salle, ça dépend si la salle, la capacité de la salle, hein. Si c'est à 10 dans une salle de 50, ça va, si c'est à 10 dans une salle de 200, c'est compliqué. Donc ça dépend aussi de ça, mais on s'est dit on va les voir et puis on leur demande. Voilà, comme ça tu crées déjà un petit rapport, tu voulais ça vous gêne parce que faut pas non plus qu'il y ait un malaise. Mais ouais. Moi je suis admiratif des effectivement des humoristes qui jouent à Paris devant 3-2 personnes et qui jouent tout le temps parce que le faire une fois c'est bien, mais faut vraiment pas baisser les bras, quoi, parce que à Paris des fois c'est compliqué. Après, là tu m'as dit elle joue devant deux et le lendemain devant une salle complète. Si t'as cette échéance là, c'est pas un problème, ça dépend des jours et tout. Mais si tu fais 10 dates d'affilée devant 3 personnes, je peux dire que même à Avignon on en connaît, hein, des gens qui ont fait ça, je peux dire qu'ils ont du courage, quoi, parce que c'est compliqué, hein. Ouais, parce que moi je trouve que c'est plus fatigant quand même de jouer devant peu de personnes. Tu déploies une énergie différente quand même. C'est fatigant, puis t'en veux un peu à toi-même. Enfin, c'est compliqué. Hein. Mais bon, c'est les galères, hein, c'est les galères d'humoriste. Il faut passer par là pour savourer les salles pleines derrière. Exactement. C'est, voilà, c'est ça. C'est en fait, si t'as réussi à passer ça, une fois que t'as une salle pleine, mais t'es sur l'autoroute, t'es bien, tu vois. C'est presque trop facile après, en fait. Hein. Exactement. Ouais, là, tu t'entraînes devant des petites salles. Exactement. Ben moi j'ai exactement le même réflexe que vous, tu vois, si jamais vous avez pas beaucoup de personnes, vous allez leur demander est-ce que vous voulez qu'on joue quand même ou pas. Moi j'ai eu ça, en fait ça m'est arrivé une fois, je l'avais raconté dans les débuts du podcast, c'est que j'ai eu un ami, en plus c'était un collègue de mon boulot, moi je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la RATP à Bordeaux, quoi. Et le truc c'est que j'ai eu un collègue, j'avais pas encore annoncé dans ma boîte que je jouais, tu vois, j'avais pas dit que c'était moi et tout, sauf que le gars a vu un one man show, chauffeur de bus la journée, humoriste le soir, tu vois, et du coup il a dit j'ai envie d'aller voir qui c'est, et il est venu me voir avec sa femme, et il y avait que deux personnes, donc c'était vraiment dans les tout débuts, et donc je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait, vous voulez qu'on annule ou pas, je leur ai dit si vous voulez, je dis soit je joue devant vous deux, je suis vraiment désolé, il y a personne d'autre, tu sais, j'avais honte, quoi, et j'ai dit soit je joue devant vous deux, soit vous revenez par exemple la semaine prochaine et j'espère qu'il y aura plus de monde, et après ils ont réfléchi. J'espérais qu'ils disent on revient, tu vois. Et non. Et après, ils ont dit non, mais c'est pas grave. Ils ont dit écoute, nous, on est de sortie, on veut s'amuser un peu. Non. Allez, vas-y, voilà, vas-y, go, c'est pas grave. Joue devant nous. Troubadour. Alors, je pense que c'est mignon parce que c'était un couple. Tu joues devant un couple, c'est trop mignon. Parce que si tu joues devant deux personnes qui se connaissent pas, c'est plus gênant, je pense. Oui, c'est sûr. Ben là, en fait, c'est un peu comme une soirée privée pour eux, tu vois. Ouais, voilà, ça, tu leur as fait un show privé, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit écoute, voilà, vas-y, joue devant nous, c'est pas grave. Et quand j'ai joué, je me suis dit bah, en fait, j'appréhendais à fond. J'avais jamais joué devant deux personnes. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais donner le maximum, je vais faire comme si c'était une salle pleine et tout. Et j'ai fait un peu le truc de discuter avec eux, comme on disait tout à l'heure, pour créer cette connivence et vraiment créer ce climat de confiance et ce climat de partage. Et ça s'est super bien passé. Et derrière, ils ont eu raison, parce que la fin de l'histoire, c'est que quand je suis revenu la semaine d'après pour jouer, il n'y avait personne encore. Et deux fois d'affilée, ça aurait été gênant. Ah, mais ça aurait été gênant, je leur aurais fait, je suis désolé, en fait, finalement, c'est rebelote, quoi, tu vois, voilà. Donc, la semaine prochaine. Ouais, mais c'est au moins, ils t'ont vu, là, parce que sinon, ils seraient parvenus une troisième fois, c'est bon. Ah non, mais je pense que oui, donc au final, j'étais très content qu'ils aient accepté, et là où j'étais content, parce que j'attendais de prendre ma revanche un petit peu sur ça, j'étais tellement honteux. Quand je dis revanche, bien sûr, c'est pas négatif, hein, au contraire. C'est vraiment, j'étais honteux de leur proposer le spectacle uniquement devant eux, et je suis content parce que quand j'ai fait un DVD du spectacle en fait fin 2016, bah c'était juste après, un peu après les Open du Rire, octobre 2016, moi c'était en septembre les Open, et du coup octobre 2016 ils sont venus dans la salle et là il y avait 170 personnes, donc là j'étais content, tu vois. Ah ouais, c'est cool, tu les savoures d'autant plus que tu sais par où t'es passé, quoi. Ah mais totalement, moi je veux dire, je ferai jamais l'erreur comme certains humoristes de dire ah mais c'est bon, t'inquiète, moi j'ai jamais eu de soucis, tu sais, comme certains à qui je vais proposer de me raconter des anecdotes ou quoi, et qui vont me dire ah moi j'ai jamais de galère. Ça de la chance, ils ont du bol, hein. Ou alors ils ont occulté, quoi, tu vois, ils essaient d'oublier. Voilà, c'est plutôt ils ont soit ils ont du bol, soit ils ont aucune mémoire, tu vois, mais voilà. Mais moi je trouve que ça fait partie de notre carrière, et c'est même plutôt bon, je pense, d'avoir des galères pour profiter des salutaires, d'avoir des bides, c'est ça qui te forme, hein. Enfin, vraiment dans tout, hein, pas que dans notre métier, dans tous les métiers, je pense, mais bon, l'échec est le terreau du succès, donc c'est ce qu'on disait dans le premier spectacle. Exactement. C'est vrai. L'échec est le terreau du succès. C'est très joli. Ouais. C'est bon, on avait une vanne, en fait, c'était. Ouais. Je dirais l'échec est le terreau du succès. Et toi, je dirais que t'as la main verte. Voilà. Non, c'est une vanne du spectacle d'avance. Je peux vous dire que j'ai pas mal cultivé et je continue encore, hein, c'est sûr. Ouais. Et Churchill disait cette très belle phrase aussi. Il disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son optimisme. C'est beau, hein. Ah ouais. Alors là, Churchill, vraiment, il avait des belles phrases. Hein. On dira ce qu'on voudra, mais il avait son petit parler. Il avait son petit parler. Et Beck Bailey disait, qu'est-ce que c'est un succès, finalement ce n'est pas autre chose qu'un échec raté. C'est beau, c'est beau. Ah ouais, franchement, ouais, c'est une philosophie, en fait. Tu sais, c'est comme les fameuses histoires qu'on entend sur Edison, tu sais, avec l'invention de l'ampoule et tout, machin. Steve Jobs, voilà. Einstein, quand il était petit, qui était un raté, enfin, qui était un élève vraiment médiocre et qui après est devenu un génie. Michael Jordan, à qui on avait dit qu'il ferait jamais de basket parce qu'il n'avait pas le niveau. Il y en a plein des comme ça. On a 10 000 exemples, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Il y a un super livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Que notre premier metteur en scène nous avait offert et qui est magnifique. C'est un livre que je peux que conseiller, mais pas qu'aux humoristes, parce que c'est vraiment à tout le monde, je veux dire, parce que je trouve que l'échec est un peu perçu comme honteux, tu vois, à l'école, on t'apprend que l'échec, c'est pas bien et tout. Et je pense que l'échec, ça, c'est vraiment salutaire. Et ce bouquin te l'explique. Et justement, tout ce que tu viens de dire, Michael Jordan, Steve Jobs, tous ces gens qui ont réussi, ils sont vraiment passés par des moments très difficiles. Et le livre, c'est un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Et c'est vraiment un super bouquin à lire, quoi. D'accord, bah je te remercie pour la suggestion, vraiment la recommandation de ce livre, ça a l'air vraiment super intéressant et t'en as plein des comme ça. Je crois que celui qui m'avait le plus marqué, c'était Walt Disney qui avait été viré d'un truc ou quoi, et on lui avait dit, ou alors genre il avait postulé pour dessiner et tout, et on l'avait refusé en lui disant qu'il manquait d'imagination. C'est fou ça quand même. Ah, c'est marrant, hein, c'est tous les visionnaires, les créateurs comme Steve Jobs qui se fait virer de sa boîte et qui revient avec un super ordinateur, enfin. Il y a plein des comme ça, ouais. Franchement, on en citer 10 000, quoi. En fait, le truc, c'est que dans notre société, on cultive, tu vois, genre c'est la culture de la réussite et tout. Tu sais, on veut que te parler du côté bling-bling des gens qui ont réussi et tout. Alors que justement, moi, je trouve que ce serait beaucoup plus inspirant de montrer leur parcours et de montrer qu'ils se sont plantés. Je crois que j'avais lu, alors il faudrait que je regarde encore, mais j'avais vu que l'histoire du mec qui avait inventé le KFC, tu vois. Genre, tu sais, le colonel Sanders ou un truc comme ça, toute sa vie, il s'est planté, il s'est fait virer, il a fait plein de trucs, il a fait faillite, je sais pas combien de fois, et à un âge très avancé, donc je pense que c'est l'âge qu'on voit sur le logo de KFC, tu vois, à un âge très avancé, il s'est décidé à se lancer dans le poulet mariné, tu vois, et allez, c'est parti, quoi. Ouais, et puis c'est tellement plus rassurant, finalement, d'apprendre que des gens ont échoué. Que juste frustrant de voir les réussites. Puis les réussites, c'est une part infime de tous ceux qui ont tenté ou qui ont entrepris quelque chose, en fait. Donc, c'est pas grave d'échouer tant que tu te relèves, en fait. Voilà. Ouais. Je sais plus qui disait une phrase, c'était peut-être Churchill encore, hein, mais je sais plus qui disait une phrase du style tomber 999 fois et se relever 1000 fois, ou genre 99 et se relever 100. Ouais. Tu vois, voilà, l'essentiel, c'est de se relever une fois de plus que ce que tu es tombé, et comme ça, tu as gagné. Tu vois, voilà, ouais. C'est inspirant, et autant pour moi que pour vous, que pour tous les autres humoristes. Tu vois, on peut se dire que finalement, si jamais on plante notre carrière, qu'on n'arrive pas vraiment à décoller et tout, la bonne nouvelle, c'est que vers l'âge de 80 ans, on pourra toujours lancer une marque de poulet mariné et frit. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Steven et Christopher. Merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on a une page Facebook, Instagram, Twitter. Pour nous trouver, toujours, c'est les jumeaux humour. Steven et Christopher, Steven avec deux E, parce que c'est hyper compliqué à écrire. Ouais, sur YouTube, des fois, il faut marquer Steven et Christopher, parce qu'on ne trouve pas forcément les jumeaux. Voilà, les jumeaux, Steven et Christopher, les jumeaux humour sur Instagram, c'est le mieux. Parfait, ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.